passage à niveau est toujours annoncé par un panneau de danger et un panneau de danger impose de ralentir. Au moment où je m'apprête à traverser la voie ferrée, le feu rouge s'allume. Il est impensable dans ce type de situation de freiner brusquement, d'autant plus que je suis suivi par un poids lourd. Et même si je freinais, je m'arrêterais au mieux sur la voie ferrée. Mais il faut garder en mémoire qu'à l'approche d'un passage à niveau, il faut ralentir et s'arrêter impérativement dès que le feu rouge s'allume et avant l'abaissement des barrières, sauf cas exceptionnels comme celui-ci.